Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. Et qu'importe qu'il soit jeune ou vieux, car tout le monde témoignera de toutes ces scènes terribles, chacun selon la nature de ses actions. Islahul Ummah, réformation de la communauté. Si une partie de la terre se secouait aujourd'hui, tu verrais alors les gens pris d'une peur extrême. Que dire alors au jour de la résurrection, lorsque la terre tout entière tremblera? Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Ce jour-là, des visages seront rayonnants, riants et réjouis. Et il y aura aussi ce jour-là des visages qui seront couverts de poussière et voilés de ténèbres. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, Hafidhahullahu ta'ala. La situation sera tellement critique à ce moment que chacun ne sera préoccupé que par son propre cas. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bidammaj au Yémen. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Que l'homme médite donc sur ses visions et sur ce qu'il a avancé comme œuvre pour ce jour grandiose et dans quel état il se trouvera ce jour-là. Sermon numéro 21, min mashahidi yawm al-qiyamah, parmi les visions du jour de la résurrection. Voilà sur quoi l'homme doit réfléchir et méditer. Et voilà le véritable avenir, qu'il soit bon ou mauvais. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée, qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, Adam, Adam, et qui à partir de celui-ci a créé son épouse, Hawa, Ève, puis qui de ces deux-là fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens parentaux, certes Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. Ceci étant dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre le Coran: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. Les sectes divergèrent entre elles par la suite. Malheur donc aux mécréants de ce qu'ils verront le jour terrible. Il y a dans ce verset une indication des plus importantes. Et il y est fait également une allusion à certaines choses que les gens verront le jour de la résurrection. Et que ces visions seront terribles, surtout pour les mécréants. Car ces derniers attesteront du châtiment qu'ils subiront, sous le regard de l'humanité tout entière, qui témoignera de leur malheur et de leur désarroi. Et Allah Azza wa Jal a certes exposé tout ceci dans de nombreux versets de son livre. « وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. Telle est la rigueur de ton Seigneur quand il châtie les cités lorsque ses habitants sont injustes, et son châtiment est certes très douloureux et très dur. Il y a bien là un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà, car c'est un jour où les gens seront rassemblés et durant lequel tout le monde attestera. C'est-à-dire que toute l'humanité sera présente ce jour-là, et personne n'y échappera. Le jour où les premières et les dernières générations d'hommes seront rassemblées. Allah tabaraka wa ta'ala a en effet dit: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Et lorsque ton Seigneur viendra, ainsi que les anges alignés en rang, et qu'on amènera l'enfer, ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi bon lui servira-t-il ce rappel? Il dira: hélas pour moi, si seulement j'avais avancé de bonnes œuvres pour ma vie future. Ce jour-là, nul ne sera châtié comme Allah châtie, et nul ne sera serré comme Allah resserre. Il s'agit d'un exposé manifeste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala se montrera ce jour-là, aux yeux de ses serviteurs, de même que les anges qui seront aussi présents, alignés en rang. Allah Azza wa Jalla a dit: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges, et que leur sort soit réglé, et c'est Allah que toute chose est ramenée. Il s'agit là d'un jour auquel l'ensemble des messagers assisteront. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Le jour où Allah rassemblera tous les messagers et qu'il leur dira: que vous ont-ils répondu? Ils diront: nous n'en avons aucun savoir, c'est toi vraiment le grand connaisseur de l'inconnaissable. Ainsi, tous les messagers, du premier au dernier, seront présents ce jour-là, ce jour auquel nul individu ne pourra échapper, les pieux comme les pervers, les petits comme les grands, de même que les djinns, des créatures invisibles, même les fœtus qui n'auront pas survécu après leur sortie prématurée du ventre de leur mère y assisteront, et aussi les bestiaux et les oiseaux, ainsi que l'ensemble des créatures. Tous seront témoins ce jour-là, le jour de la résurrection. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Le jour où l'homme verra ce qu'il aura œuvré dans ce bas monde, et que le mécréant dira: hélas pour moi, comme j'aurais aimé n'être que poussière. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ. Le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera là le jour de la grande perte. Voilà la description de ce jour. Et c'est un jour durant lequel tous les gens seront rassemblés. ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. C'est un jour où les gens seront rassemblés. Et c'est un jour qui sera attesté. Et de nombreux gens de science ont déduit de ces versets que ce dont les gens attesteront est le jour de la résurrection, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. Par le ciel étoilé, et par le jour promis, et par celui qui témoignera et dont on témoignera. Ainsi, beaucoup de savants ont dit à propos de ce verset, s'appuyant sur de nombreux récits prophétiques authentiques, que celui qui témoignera est le jour d'Al-Jumu'a, c'est-à-dire le vendredi, et que ce dont les gens témoigneront est le jour de la résurrection. Et il a aussi été dit qu'il s'agissait plutôt du jour d'Al-Jumu'a et du jour de Arafah lors du pèlerinage, toujours en se référant à certains récits prophétiques authentiques. Et il a également été rapporté que le témoin est le Seigneur de l'univers, et il n'y a aucun doute à ce sujet, et Allah suffit comme témoin, et que ce dont on attestera est l'humanité tout entière, ainsi que l'ensemble des créatures. Et il a été dit, pareillement à tout cela, que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui témoignera, et que c'est le reste des messagers accompagnés de toutes les communautés qui seront objets d'attestation. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Comment seront-ils alors lorsque nous ferons venir de chaque communauté un témoin, les prophètes, et que nous te ferons venir, ô toi Muhammad, comme témoin contre ces gens-ci, sa communauté? Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Et nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur et avertisseur. Et tous ces sens et ces explications sont justes, car Allah subhanahu wa ta'ala nous observe tous. Par conséquent, toutes les créatures sont observées. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. Le jour où leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient, ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution, et ils sauront dès lors que c'est Allah qui est le vrai, de toute évidence. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ. Ce jour-là, vous serez exposés, et rien de ce que vous n'avez accompli dans ce bas monde ne sera dissimulé. Wallahu bi kulli shay'in muhit. Et Allah cerne parfaitement toutes choses. Donc Allah observe tout. Inna Allah la yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Rien n'est caché à Allah sur la terre et dans le ciel. Ainsi Allah est témoin de tout ce que font les gens sur terre, et est parfaitement informé de ce qui est caché au fond d'eux et de tout ce qu'ils font apparaître. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, que ce jour-là, leur Seigneur sera parfaitement informé? Il est parfaitement connaisseur de ce que les gens font. Allah est donc observateur dans ce bas monde tout comme dans l'au-delà. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est lui aussi témoin, tout comme l'est le reste des messagers alayhim salat wa salam. Et le jour de la résurrection est un jour attesté. De même que le jour de Arafah est un jour durant lequel les gens assistent au rite du pèlerinage et se rassemblent pour cela. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Et fais aux gens l'annonce du Hajj, le pèlerinage. Ils viendront à toi à pied et sur la monture, venant de toutes les contrées, même des chemins les plus éloignés, afin de participer et d'attester des avantages qui leur ont été accordés. Et il en est de même pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le jour d'Al-Jumu'ah est aussi un moment durant lequel on atteste. Il n'y a donc aucune opposition entre toutes ces explications. Tous font l'objet d'attestation et de témoignages. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jumu'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Ô vous les croyants, quand on vous appelle à la prière d'Al-Jumu'ah, accourez à l'invocation d'Allah et délaissez tout commerce, cela est bien meilleur pour vous, si seulement vous saviez. Voilà donc ce jour, le plus grandiose des jours attestés, à savoir le jour du jugement dernier. Car toutes les créatures y seront rassemblées, de la première à la dernière. Toutes les créatures qu'Allah Azza wa Jalla aura créées dans l'univers tout entier assisteront à cet événement. Tout le monde s'entendra et se verra, comme cela a été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, dans le long récit d'Abu Huraira, radiallahu anhu, au sujet de l'intercession. Allah rassemblera les premières et les dernières générations d'êtres humains le jour de la résurrection à un seul et même endroit, d'où tout le monde s'entendra et se verra. Les gens seront ainsi angoissés et épouvantés de ce qu'ils ne pourront supporter. Dans cette terrible situation, les gens se tiendront debout pendant une durée de 50 000 ans, chacun baigné dans sa propre sueur. Il y en aura certains parmi eux dont leur sueur atteindra le niveau de leur cheville, et d'autres le niveau de leur genou, et d'autres le niveau de leur hanche, et d'autres dont la sueur les recouvrira abondamment. Un jour attesté, un jour grandiose, durant lequel les gens s'humilieront face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et certaines personnes iront se plaindre auprès des messagers, en commençant par Adam, et finiront par aller voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à ce fameux moment que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fera son intercession auprès d'Allah azza wa jalla. Il s'agit donc d'un jour grandiose, durant lequel attesteront les gens de choses terribles et auront de longues visions de terreur pendant ce jour et aussi après. Ainsi, parmi les événements qui s'y dérouleront, il y a la vision des visages. En effet, tu vois certains visages dans cette vie présente, desquels les gens y prêtent un soin particulier. Et ils font très attention, car le visage est la première vision que l'on a d'une personne. Et la première chose que l'on voit et regarde chez l'individu est son visage. C'est pour cette raison que tu verras sur les visages des gens, et cela fait partie des visions du jour de la résurrection, des traits plus grands et plus affirmés, de même que de terribles faciès. Ainsi certains visages seront humiliés, tandis que d'autres seront assombris. Allah Azza wa Jalla a dit « Yawma tabiyadu wujuhun wa taswad wujuhun » فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Le jour où certains visages s'illumineront tandis que d'autres s'assombriront, à ceux dont les visages seront assombris il sera dit: avez-vous mécru après avoir eu la foi? Eh bien goûtez au châtiment pour avoir mécru. Mais quant à ceux dont les visages seront illuminés, ils seront dans la miséricorde d'Allah, où ils demeureront éternellement. Il s'agira là d'une vision terrible au sujet des visages. Et peu importe comment étaient ces visages dans ce bas monde et l'aspect qu'ils avaient, car chacun sera ce jour-là selon les œuvres qu'il aura avancées dans la vie terrestre. Ainsi, si l'individu accomplissait de bonnes œuvres, alors son visage s'illuminera. Quand bien même cette personne aura été noire de peau, son visage s'éclairera le jour de la résurrection. En revanche, si ses actions étaient mauvaises, alors son visage s'obscurcira. Quand bien même cette personne aura été blanche de peau dans cette dunya, c'est-à-dire cette vie présente. Et il n'y a aucun doute que les visages de ceux qui auront menti sur Allah subhanahu wa ta'ala seront assombris le jour de la résurrection. Que ces mensonges concernaient leurs croyances, leurs paroles, leurs faits et gestes ou tout autre méfait relatif à leur mécréance, leurs visages s'assombriront assurément, même si ces derniers auraient été blancs de peau. Wa yawm al-qiyamati tara alladhina kadhabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddatun alaysa fi jahannam mathwa lil-mutakabbirin. Et au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah assombris. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux ? quel que soit son état et la situation qu'il avait sur terre, son visage s'obscurcira. Tara alladhina kadhabu ala Allah wujuhuhum muswadda. Tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah assombris. Les visages de ceux qui commettaient des péchés s'assombriront jusqu'à devenir telle une nuit ténébreuse. Comme Allah tabaraka wa ta'ala les a ainsi décrits. وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et quant à ceux qui auront commis des mauvaises actions, alors ils seront rétribués en équivalence et un avilissement les recouvrira. Et il n'y aura pas ce moment de protection pour eux contre le châtiment d'Allah, comme si leur visage se recouvrait de lambeaux de ténèbres nocturnes. Voilà les gens du feu de l'enfer, où ils demeureront éternellement. Son visage deviendra tel un lambeau de ténèbres nocturnes, et il s'agira d'un noircissement bien réel le jour de la résurrection. Ainsi, les visages de ceux qui auront mécru s'assombriront, les adeptes des péchés qui s'endurcissaient dans leur accomplissement jusqu'à devenir mécréants. Donc parmi ce qui se verra sur les visages, il y aura que certains visages s'affligeront et s'en les diront à cause de leurs mauvaises actions. En effet, quiconque se sera endurci dans l'accomplissement de mauvaises actions et de péchés, son visage s'obscurcira. Et ils disent, à quand cette promesse, si vous êtes véridique? Jusqu'à sa parole, puis quand ils verront le châtiment proche d'eux, les visages de ceux qui auront mécru s'accableront, et il leur sera dit, voilà ce que vous réclamiez. Ils reniaient cette promesse et la croyaient improbable. Dis au toi Muhammad, Allah seul a connaissance de l'heure de l'avènement de la fin des temps, et moi je ne suis qu'un avertisseur explicite. C'est-à-dire que lorsque le châtiment se rapprochera d'eux, leurs visages s'affligeront. Et cela commence au moment de la mort. À cet instant, le visage du croyant, ne serait-ce que lorsque celui-ci se trouve sur son lit de mort, laisse apparaître des traits de blancheur et de joie, tandis qu'il se dessine sur le visage du pervers des traits sombres et poussiéreux. Tu vois alors sa face qui s'enlaidit, laissant apparaître l'accablement. Puis quand ils verront le châtiment proche d'eux, c'est-à-dire lorsque le terme de vie est venu, quand les anges retirent l'âme du corps, alors le visage s'afflige et s'assombrit. Et tu ne vois plus à ce moment de traits d'éclat. Si et wujuhul ladina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un. Les visages de ceux qui auront mécru s'accableront, et il leur sera dit, voilà ce que vous réclamiez. À partir de là, ces visages laisseront apparaître les assombrissements le jour de la résurrection, des marques affreuses et des visions effroyables. Il se peut que certains visages soient resplendissants et rayonnants de beauté dans cette vie d'ici-bas, dû aux soins et à l'attention que la personne y porte. Mais le jour du jugement dernier, il sera recouvert de ténèbres, des ténèbres dues à ses péchés qui apparaîtront sur les traits de son visage. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wujuhun yawma'idhin musfira dhahikatun mustabshira wa wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Ce jour-là, des visages seront rayonnants, riants et réjouis, et il y aura aussi ce jour-là des visages qui seront couverts de poussière et voilés de ténèbres. Voilà les mécréants pervers, des visages assombris, recouverts de poussière, accablés et ténébreux. Allah seul sait dans quel état se trouveront réellement ces visages humiliés de différentes manières et affligés, de même que toutes ces traces de péché qui laisseront apparaître. Alors ô toi qui as un beau visage, n'offense pas ton visage dans ce bas monde, ni dans l'au-delà avec les péchés, car il s'agit là du plus grand préjudice que l'homme puisse causer à son visage, de même qu'au reste de son corps sur terre et dans l'au-delà, le jour où certains visages s'illumineront, tandis que d'autres s'affligeront et se crisperont. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wujuhun yawma'idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur, et il s'agit là des visages des croyants. Wa wujuhun yawma'idhin basira tadhunnu an yuf'ala biha faqira. Et il y aura ce jour-là des visages assombris qui s'affligeront s'attendront à subir un douloureux châtiment, c'est-à-dire crispés et accablés. Et cette situation est connue chez les gens à travers leurs paroles. Un tel a le visage accablé. Wujuhun yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira wa wujuhun yawma idin basira tadunnu an yuf'ala biha faqira. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur, et il y aura ce jour-là des visages assombris qui s'attendront à subir un douloureux châtiment, afin qu'apparaisse sur eux le mal, et aussi à cause de l'extrême frayeur et l'effroi qu'ils laisseront apparaître sur leur visage, et des ténèbres qu'il y aura sur eux, de même que l'angoisse et l'avilissement. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Wujuhun yawma idin khashi'a 'amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min 'aynin aniya. Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, préoccupés et harassés, qui brûleront dans un feu ardent et s'abreuveront d'une eau bouillante. Différents types d'humiliation apparaîtront sur les traits des visages de ces gens le jour du jugement dernier et parmi les visions du jour de la résurrection. À propos des visages et de leurs traits, il y aura des visages amaigris à l'extrême. Il a en effet été rapporté dans le recueil du récit authentique d'Al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui sollicite trop les gens ne fait en réalité que demander du charbon ardent provenant de la géhenne. Et dans un autre récit: certes, celui qui ne cesse de solliciter les gens se présentera le jour de la résurrection, le visage squelettique, dénué de chair. Et parmi les visions de ce jour terrible, il y a que ces visages affligés seront ensuite culbutés en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Man ja'a bil hasanati falahu 'ashrun minha wa hum min faz'in yawma idhin aminun wa man ja'a bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin nar. Quiconque viendra avec une bonne action sera rétribué par meilleur qu'elle, et ils seront ce jour-là à l'abri de tout effroi. Et quiconque viendra avec une mauvaise action, alors ils seront culbutés par le visage dans le feu de l'enfer. Des visages resplendissants de beauté qui seront jetés dans le feu de l'enfer et qui y seront souillés. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Et il leur sera dit: n'êtes-vous pas rétribués uniquement selon ce que vous œuvriez sur terre? Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit: wa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahum awliya min duni wa nahshuruhum yawm al-qiyamah 'ala wujuhihim 'umyan wa bukman. Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et quant à celui qui l'égare, tu ne leur trouveras alors jamais de secoureur en dehors de lui. Et au jour de la résurrection, nous les rassemblerons traînés sur leur visage, aveugles, muets et sourds. Ce sera là une effroyable vision. Celui qui aura été éloquent et élégant et qui aura eu un joli visage sur terre, qui sera violemment basculé en enfer, traîné sur son visage, sourd, aveugle et muet, tel un rocher qui se fait châtier dans le feu. Chaque fois que leurs peaux se seront consumées, nous les remplacerons par d'autres peaux afin qu'ils goûtent au châtiment. Et il a pareillement dit à cela: le feu brûlera leur visage et ils auront les lèvres retroussées. C'est-à-dire que le feu les frappera au visage. Et ils auront les lèvres retroussées. C'est-à-dire que leurs lèvres inférieures pendront vers le bas et que leurs lèvres supérieures seront relevées vers le haut. Voilà le sens de retrousser. Leurs bouches resteront ainsi toujours béantes, grandes ouvertes. Ce sera donc une étrange vision sur ces visages. C'est ainsi que se succède l'épreuve concernant l'exposé des différentes visions que les gens auront le jour de la résurrection. Et parmi ces visions, il y a celle des fourbes, ceux qui trompaient les gens. Ainsi, lorsque le fourbe se présentera le jour du jugement dernier, son imposture apparaîtra sur son dos, sur son derrière, comme cela a été rapporté dans le recueil du récit authentique d'Al-Bukhari, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: il n'y a pas de fourbe sans qu'il ne vienne le jour du jugement dernier, sa fourberie inscrite sur son dos, sur son derrière. Il sera alors dit: voici la fourberie d'un tel. Ce sera là une horrible et laide vision pour celui qui aura été l'auteur de cet acte odieux. Également, parmi les visions de ce jour, il y a l'escroc qui se présentera portant sur son dos ce qu'il aura acquis injustement. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzar alladhina yudhilluna bighayri ilm ala sa'a ma yazirun, afin qu'ils portent au jour de la résurrection tout leur fardeau, ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils ont égarés avec eux sans science, comme est certes mauvais ce qu'ils commettaient. Et Allah Azza wa Jalla a dit وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et quiconque s'approprie injustement une chose se présentera le jour de la résurrection avec ce qu'il sera approprié injustement. Il se présentera ainsi, portant sur son dos ce qu'il aura acquis injustement. Comme cela a été expliqué dans la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je me désavouerai certainement de quiconque parmi vous viendra le jour de la résurrection portant sur son dos un chameau qui blatérera, ou une vache qui meuglera, ou un mouton qui bêlera. Celui-ci dira, ô Muhammad, je lui répliquerai alors, je t'avais certes prévenu. Et le récit a été rapporté dans le recueil du récit authentique d'Al-Bukhari. Cette situation sera donc terrible. La façon dont ces gens se présenteront portant ces choses, celui-ci portant une vache, et celui-là un mouton, et l'autre un chameau. Un chameau qui blatérera sur son dos, de même que la vache qui meuglera, et le mouton qui bêlera, et un autre qui portera des sandales, et un autre qui portera telle ou telle autre chose. Il en est donc ainsi. Quiconque aura acquis une chose injustement se présentera le jour du jugement dernier portant cette chose sur son dos, portant son fardeau. Et durant ce jour, les gens se présenteront tous nus. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. De la même façon que nous avons commencé la première création, ainsi nous recommencerons. Il s'agit là d'un engagement qui nous incombe de remplir et nous l'accomplirons certainement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliqua cela dans un récit rapporté par Al-Bukhari. Aïcha radiallahu anha lui dit ainsi, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que les hommes et les femmes se regarderont les uns les autres, c'est-à-dire alors qu'ils seront tous nus? Il répondit, la situation sera tellement critique à ce moment que chacun ne sera préoccupé que par son propre cas. Le jour où les montagnes se froisseront, de même que le ciel et les étoiles tomberont du ciel et les montagnes se mettront en marche. Allah Azza wa Jalla a dit « وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذٍ زُرْقَى يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. » Ce jour-là, nous rassemblerons les criminels, tous bleurs de peau. Ils chuchoteront et se diront entre eux « Vous n'êtes restés là que 10 jours ». ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. Et le jour où nous mettrons en marche les montagnes et que tu verras la terre nivelée à plat et que nous les rassemblerons sans en omettre un seul. Une vision de violent tremblement qui a pour nom le jour du grand tremblement. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement. Si une partie de la terre se secouait aujourd'hui, tu verrais alors les gens pris d'une peur extrême. Que dire alors au jour de la résurrection, lorsque la terre tout entière tremblera, et que la terre fera sortir ses fardeaux, tout ce qu'elle contiendra sortira, et que l'homme dira, que lui arrive-t-elle donc, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire et d'étonnant. Ce jour-là, elle racontera toute son histoire. La terre témoignera et racontera tout ce qui s'y est passé, jusqu'à témoigner de ce que les êtres humains y auront accompli comme action. Ainsi, le lieu où les gens auront forniqué ou commis l'adultère, que cela aura été commis dans l'obscurité la plus totale d'une pièce, ou du haut d'un sommet d'une montagne, ou dans le nid d'un fleuve asséché, ou à n'importe quel autre endroit, où les gens auront bu de l'alcool, ou pratiqué la zina, ou des actes de perversité, ou de mécréance, ou tout autre vil acte, tous ces lieux témoigneront contre eux. Et les membres du corps attesteront eux aussi le jour de la résurrection de ce qu'ils auront accompli. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Ses membres témoigneront, ses mains témoigneront, ses jambes témoigneront et ses cuisses témoigneront, et les premiers membres qui seront exposés à l'individu seront ses jambes. وَيَوْمَ يَحْشُرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أول مرة وإليه ترجعون. Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés vers le feu, poussés dans sa direction jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Alors leur oui, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient sur terre. Ils diront alors à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Celles-ci répondront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses, c'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous retournerez. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Et vous ne pouviez pas vous cacher au point que ni votre oui, ni vos yeux et ni votre peau ne puissent témoigner contre vous, mais vous pensiez plutôt qu'Allah ne savait que peu ce que vous faisiez. Alhamdulillah. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Toutes les louanges sont à Allah, nombreuses bonnes et bénies, et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal, et je témoigne que Muhammad صلى الله عليه وسلم est son serviteur et messager. Ceci étant dit, aussi parmi les visions du jour du jugement dernier qui fera envier certaines personnes ou qui en terrifiera d'autres, il y a la terrible étape de l'envolée des livres contenant les œuvres des gens. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَ فِي جَنَّةٍ عَالِيَ قُطُوفُهَا دَانِيَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Quant à celui à qui on aura remis son livre dans sa main droite, il dira, tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira alors d'une vie agréable dans un jardin haut placé, le paradis, dont les fruits sont à la portée de la main, et il leur sera dit, mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé comme bonne œuvre durant votre vie sur terre. Et les gens témoigneront de tout cela. Ils le verront prendre son livre de la main droite et repartir fou de joie, tout heureux, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Quant à celui qui recevra son livre dans sa main droite, son jugement sera facile et il retournera auprès des siens réjouis. Et quant à l'autre, Allah Azza wa Jal a dit sur son compte, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Mais quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent. Il vivait certes dans la joie parmi les siens. Il était tout joyeux sur terre et satisfait de sa personne, et il était distrait de l'obéissance d'Allah, détourné d'elle. Tel est l'état des insouciants. Innahu dhanna an la yahur. Il pensait qu'il ne serait certainement pas ressuscité, c'est-à-dire qu'il croyait qu'il ne reviendrait pas vers Allah Azza wa Jalla. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bien au contraire, son Seigneur l'observait parfaitement. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ. Mais quant à celui à qui on remettra son livre dans sa main gauche, il dira, malheur à moi, j'aurais tant souhaité qu'on ne me remette pas mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort soit la définitive, ma fortune ne m'a servi à rien, mon autorité est anéantie et m'a quitté. Puis il sera dit, saisissez-le et mettez-lui un carcan. Voilà ce que les gens verront le jour de la résurrection. Et il dira exactement ces mêmes paroles et il poussera des cris alors que les gens l'entendront. Également, la vision des gens de science qui ne mettent pas en application ce qu'ils enseignent. En effet, il a été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques d'après Usama ibn Zayd radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on apportera le jour du jugement dernier un homme qui sera jeté dans le feu, ses viscères et ses intestins sortiront de son ventre et se dresseront rapidement dans le feu, puis il tournera en rond comme tourne l'âne autour du moulin. des gens de l'enfer se rassembleront alors autour de lui et lui diront « Oh, un tel, que t'est-il arrivé? Ne nous ordonnais-tu pas le convenable et nous interdisais le blâmable ?» Il dira « Je vous ordonnais le convenable et je ne l'accomplissais pas, et je vous interdisais le blâmable et je l'accomplissais. » Il s'agit là d'une vision dont en seront témoins les gens. Des gens de l'enfer se réuniront autour de lui et regarderont cette scène épouvantable. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. Et le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira malheur à moi, si seulement j'avais suivi le droit chemin avec le messager, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, celui-ci m'a en effet égaré et éloigné du rappel d'Allah lorsqu'il m'était parvenu. Et certes, le diable abandonne l'être humain après l'avoir tenté. Et les gens témoigneront et verront tout cela lorsqu'il se mordra les deux mains, accablé et plein de remords. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَأَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. Puis certains se tourneront vers d'autres s'interrogeant mutuellement. L'un d'eux dira alors j'avais jadis un compagnon qui me disait fais-tu partie de ceux qui croient, crois-tu que lorsque nous mourrons et serons poussière et ossements nous aurons à rendre des comptes? Il leur sera dit, c'est-à-dire les gens du paradis, voudriez-vous voir comment a-t-il fini? Il regardera alors du paradis vers le bas et le verra en plein dans la fournaise. Il dira alors par Allah, tu as bien failli causer ma perte. Si ce n'était la grâce de mon Seigneur sur ma personne, j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traîne au supplice. Il verra alors son ancien compagnon brûler ardemment, car Allah le prendra à témoin et lui fera voir son ancien ami se faire châtier et avoir des regrets. Il évoquera alors le bienfait d'Allah sur lui pour l'avoir guidé et ainsi épargné de finir dans la même situation que son ancien ami en se comparant à lui qui était une mauvaise personne. Ce sera donc là un face-à-face terrible. Ce sera une vision terrifiante le jour de la résurrection pour celui qui regardera celui qui mangeait le riba nager dans une mer de sang, pour celui qui regardera le feu atteindre les gens de l'enfer par différents sévices. Et tout ceci est établi à partir de preuves tirées du livre d'Allah et de la sunna, la tradition prophétique concernant ces effrayante vision du jour du jugement dernier. Oh vous les gens, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre saint يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Oh vous les croyants, craignez Allah et que chaque âme prête attention à ce qu'elle a avancé pour l'au-delà, et craignez Allah, certes Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Que l'homme médite donc sur ses visions et sur ce qu'il a avancé comme œuvre pour ce jour grandiose et dans quel état il se trouvera ce jour-là, et qu'importe qu'il soit jeune ou vieux, car tout le monde témoignera de toutes ces scènes terribles, chacun selon la nature de ses actions. وَنَذَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَلْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Et au jour de la résurrection, nous placerons les balances en toute justice. Nulle âme ne sera alors lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde, que nous ferons venir, et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Et ce sera là une effroyable vision. Toutes les actions accomplies posées sur la balance, y compris celles à l'échelle d'un grain de moutarde, et toutes seront déposées pour le compte d'un tel qui aura été pieux ou non. Une vision à propos de laquelle Allah Azza wa Jalla a dit وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Et nous avons attaché au cou de chaque individu son œuvre, et au jour de la résurrection nous sortirons pour chacun d'entre eux un registre dans lequel il sera inscrit ses œuvres qu'il trouvera déroulées. Puis il lui sera dit lis ton livre, aujourd'hui tu te suffis d'être ton propre comptable. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا. Mais l'homme est parfaitement clairvoyant sur sa propre personne, quand bien même il présenterait ses excuses. L'homme est ainsi clairvoyant concernant sa propre personne. L'ensemble des membres de son corps sont conscients de leur agissement, sans aucune négligence de leur part, ni besoin de les écrire, malgré que tout ce qu'il accomplit soit recensé pour son compte. Il ne prononce pas une parole sans qu'il n'y ait auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire, les anges. Ainsi, toutes ses actions sont recensées. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils auront œuvré dans ce bas monde, et ton Seigneur ne laissera personne. Et avec tout ceci, il demeure clairvoyant à son sujet. Ce sera une exposition claire de tout ce qu'il aura accompli comme action. Et le jour de la résurrection, ses œuvres lui seront exposées, qu'il regardera, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Voilà sur quoi l'homme doit réfléchir et méditer. Et voilà le véritable avenir, qu'il soit bon ou mauvais. Que l'homme agisse donc en conséquence de cause, afin de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le succès et la réussite, et nous nous réfugions auprès de lui contre le désordre et les troubles.